premier à poser des questions. Donc, on est ici réunis pour la troisième séance du séminaire, du laboratoire séminaire qu'on a intitulé Politique de Foucault. Catherine Deschamps, docteur en anthropologie, habilitée à diriger des recherches en sociologie, qualifiée par le CNU aux fonctions de professeur des universités. Elle est maître assistante à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine, a accepté d'animer la séance de ce matin avec une leçon qui est encore intitulée « Politique du sexe ». C'est parti pour une heure de soliloque, puis ensuite échange avec la salle. D'accord. Ben, merci de m'avoir invité, bien que sur le coup, j'ai trouvé ça finalement assez compliqué de préparer cette intervention. Mais bon, une anecdote pour commencer qui relate ma première rencontre avec des écrits de Michel Foucault. Alors j'ai finalement poursuivi un doctorat en anthropologie, comme l'a dit Philippe, mais en 92, je terminais un mémoire de maîtrise en histoire moderne qui devait initialement porter sur les maladies vénériennes au 19e siècle à Paris. Je suivais parallèlement et classiquement les séminaires de mon directeur de maîtrise à Paris 4, qui était Jean-Pierre Poussou, séminaires dans lesquels chaque étudiant devait présenter l'avancée de ses travaux et les discuter avec l'ensemble des participants. Lorsque vint mon tour, je venais de lire L'histoire de la folie de Michel Foucault et j'en étais, à vrai dire, sensiblement impressionnée. Ce livre était vraiment à mille lieues des enseignements que j'avais reçus jusqu'alors à Paris 4, et j'ai fait part lors de ma présentation des enthousiasmes qu'il avait suscité chez moi. Lors de la discussion qui s'en est suivie, Jean-Pierre Poussou a d'abord tenu à mettre en garde les étudiants que nous étions face aux séductions à ses yeux injustifiées que provoquent certains auteurs, lesquels, selon lui, seraient dangereux pour la séduction qu'ils opéreraient sur de jeunes apprentis chercheurs, et alors même que ces écrits, toujours selon Poussou, ne se fonderaient pas sur un dépouillement archivistique cohérent, raisonné, etc., mais sur un rapport un peu pointilliste aux sources. Bon, alors des querelles existent évidemment entre historiens sur ce qui fait l'histoire, et on sait que Foucault a travaillé plutôt avec bonheur avec Arlette Farge. Les frontières entre disciplines sont plus ou moins poreuses, changeantes selon les écoles de pensée. Il n'en reste pas moins qu'on est toujours aussi, pas seulement, mais aussi le produit d'un itinéraire singulier. Ce jour-là, je découvrais pas que pour mon directeur de recherche de l'époque, l'archive était première par rapport aux idées, ni que la rigueur et l'honnêteté intellectuelle étaient pour lui synonymes d'une adhésion à ses archives. J'étais même bien placée pour le savoir, puisque alors que j'avais voulu travailler sur les maladies vénériennes au 19e, il ne partageait pas du tout ma frustration que les archives hospitalières de l'hôpital Saint-Louis, auxquelles j'avais eu difficilement accès en raison des dérogations qu'il faut pour les consulter, ne portent que sur des maladies dermatologiques. Pour lui, ce ne devait pas être le thème que j'avais choisi avec engouement qui devait dicter mes développements, mais ce que disaient les archives, quand bien même cette priorité devait conduire à renoncer au thème. Et alors c'est notamment Foucault qui m'a fait quitter l'histoire et Paris 4 pour l'anthropologie et le HESS. Il a joué un rôle non négligeable là-dedans. J'ai commencé par cette anecdote pour dire les limites de mon intervention. Qui suis-je pour parler de Foucault d'une quelconque estrade ? Je ne suis pas une spécialiste de Foucault, je ne suis pas philosophe. J'ai certes travaillé sur la sexualité, mais je sais à la fois combien les textes de Foucault ont donné lieu à des interprétations et des instrumentalisations parfois contradictoires, et combien lui-même a pu bouger dans ses propres projets pour produire de la connaissance. les trois volumes publiés de l'histoire de la sexualité sont eux-mêmes une illustration de ces glissements, puisque le projet change entre d'un côté le premier tome, La volonté de savoir, et les deux suivants, L'usage des plaisirs et Le souci de soi. Ce qui d'ailleurs permet peut-être un premier commentaire sur le titre qui a été proposé pour mon intervention, donc Politique du sexe. Or, s'il me semble que dans La volonté de savoir, Foucault aborde bien la question des pouvoirs en termes politiques, certes au sens large, dans les deux volumes suivants, c'est bien par rapport à la sexualité, déjà le gouvernement des autres et de soi, en termes moraux, qui requiert son attention. Il me semble que ce glissement a son importance. De même, sexe et sexualité ne sont pas synonymes chez Foucault, bien qu'on note parfois des usages un petit peu volatiles et interchangeables du terme même chez Foucault, il me semble quand même que le plus souvent, le sexe, qui renverrait notamment, pas seulement au plaisir, précède la sexualité. Enfin, plus précisément, le sexe précède le dispositif de sexualité qui, lui, serait une invention relativement récente. Donc, ce dont je vais tenter de parler, c'est de politique et de morale ou éthique de sexualité et du sexe chez Foucault, et plus précisément, des échos que ce Foucault-là fait avec mes propres recherches et avec celles des chercheurs qui, comme moi, ont travaillé sur la sexualité après l'émergence du sida. En l'occurrence, partir de ces échos est la manière qui, à tort ou à raison, m'a paru la moins prétentieuse pour m'attaquer à ce qui me semble être un trop gros morceau pour moi. Je parle là tout autant des écrits de Foucault que du bonhomme. Je vais dire encore une limite de ce que je vais vous raconter. On peut trouver des textes sur la sexualité chez Foucault, évidemment, ailleurs que dans les trois tomes de l'histoire de la sexualité. Je pense par exemple à Sexualité et solitude de 81, mais il y en a beaucoup d'autres. Par ailleurs, la manière dont a été lue, réceptionnée et instrumentalisée cette histoire de la sexualité a été différente en France et aux États-Unis, par exemple. Là, je pense au Saint Foucault, publié en 1995 en américain par David Halperin, où Halperin reconnaît instrumentaliser Foucault et où il montre notamment que le tome 1 de l'histoire de la sexualité a été le livre de chevet des fondateurs d'ACT UP New York. Alors même, et ça c'est intéressant dans ce que dit Halperin, que lorsque La volonté de savoir a été traduit en anglais en 78, il avait provoqué de fortes résistances de la part des milieux, on va dire, de gauche, pour faire vite, aux États-Unis, à cause de la définition du pouvoir de Foucault, qui, selon ses militants, rendait toute opposition à un système forcément infructueuse. En gros, l'idée de Foucault que le pouvoir est partout et traverse tous les corps, gênait ses militants de gauche. De même, on a des textes qui ne portent pas sur la sexualité, qui ont été instrumentalisés autour de la sexualité. Par exemple, le texte de 67, enfin l'intervention orale de 1967 sur les hétérotopies. Je suis bien placée pour le savoir puisqu'en 2008, avec des collègues de l'Université libre de Bruxelles, nous avions co-organisé un colloque qui s'appelait « Hétérotopie sexuelle ». Pourtant, dans ce texte, ça ne parle pas de sexualité. On peut dire encore que de même que des textes qui ne parlent pas initialement de sexualité chez Foucault sont utilisés par des chercheurs qui, eux, parlent de sexualité, les trois tomes de l'histoire de la sexualité n'ont pas toujours un rapport absolument serré à cette sexualité ou au sexe, et qu'ils peuvent donc être appropriés pour parler de sujets dont la sexualité n'est pas du tout l'objet. Cela étant dit, c'est essentiellement les trois tomes de l'histoire de la sexualité que j'ai relu pour mon intervention d'aujourd'hui, un Foucault tardif donc. Alors m'en être contenté a évidemment plein de désavantages, je ne vais pas les développer ici, mais aussi l'intérêt de présenter le Foucault d'une certaine époque. Éléments de contexte. Donc la volonté de savoir, le tome 1 est publié en 76. Précédemment, ça avait fait l'objet de cours au Collège de France. En tout cas, c'est publié, c'est dit et publié ensuite, avant que le sida ne soit identifié. À l'époque de la sortie du livre, Foucault avait envisagé 5 tomes à suivre, dont les titres sont assez significatifs. Ce qui devait suivre, ça devait être « La chair et le corps », puis « La croisade des enfants », « La femme, la mère et l'hystérique », »,« Les pervers », »,« Population et race ». Cette production, La volonté de savoir, Antécida, donc, rapproche dans une certaine mesure, je sais bien que la comparaison est audacieuse, Foucault de Durkheim. Là, je pense au texte de Durkheim de 1911, Débat sur l'éducation sexuelle, mais ça le rapproche aussi de textes comme ceux de Ballandier, publiés en 84, c'est Le sexuel et le social, paru dans les cahiers internationaux de sociologie, où Ballandier parle de la sexualité comme d'un phénomène social total. Ça rapproche aussi ce Foucault de ce que j'ai tenté de dire dans mon mémoire pour l'HDR qui s'appelait Le fait sexuel, car j'y critique, comme me semble-t-il Foucault, les effets pervers que peuvent avoir le fait que le sida et l'hécatombe qu'il a représenté pour les hommes qui ont des pratiques homosexuelles a contribué à accroître l'abord de la sexualité en termes de catégories identitaire ou d'orientation sexuelle. Non plus « dis-moi ce que tu fais en matière de sexe, je te dirai peut-être qui tu es », mais « dis-moi avec qui tu couches, je te dirai à coup sûr qui tu es ». Foucault écrit pour sa part dans La volonté de savoir « la question de ce que nous sommes, une certaine pente nous a conduit en quelques siècles à la poser au sexe ». Mais il me semble que nous sommes aujourd'hui dans une fenêtre temporelle qui peut permettre de redécouvrir Foucault sur la sexualité en oubliant le sida. En tout cas, pour ma part, j'encourage aujourd'hui à revenir à une manière d'aborder la sexualité qui serait peut-être advenue si le sida n'avait perturbé les choses. Plutôt, puisque des résistances existaient incontestablement pour faire de la sexualité un objet répandu de recherche avant le VIH, il est temps, je crois, de voir le sida non plus comme ayant créé une urgence, mais comme une condition qui fut peut-être nécessaire pour des travaux sur la sexualité qui, en dépassant le sida, gagnent en montée en généralité. C'est un fait, cela dit, que Foucault a été cité et recité par des chercheurs S-Sida et S-Sexualité. C'est également un fait qu'il a été utilisé par des chercheurs pour certains militants et vice-versa, pour des militants pour certains chercheurs, notamment dans les milieux gays, dans les 10 milieux gays. C'est en son nom qu'ACT UP New York en 87 a été créé. C'est également en son nom qu'en 89, ACT UP Paris a été créé. C'est aussi son compagnon, Daniel Defer, philosophe lui aussi, qui est le père fondateur physique de AIDE en 1984, quand Foucault en est la figure tutélaire. Notons d'ores et déjà qu'entre ACT UP et AIDE, il y a quelques divergences d'interprétation sur les raisons qui ont fait choisir Foucault comme père fondateur. Ces divergences ont sans doute, pas seulement, mais sans doute à voir aussi avec les réceptions différentes de Foucault en France et aux États-Unis et avec quelques textes tardifs que Foucault a écrits directement en anglais. Toujours est-il que, comme pour les prisons, il y a donc autour de la sexualité un Foucault qui a été instrumentalisé à des fins militantes, alors qu'il n'est pas si évident que ces textes le soient, en tout cas pas forcément comme certains l'ont cru. Certes, il a été instrumentalisé à titre posthume autour de la sexualité, contrairement aux prisons. et c'est souvent en référence au sida, alors que si la volonté de savoir fait écho à une cause militante, il me semble que c'est plutôt à mai 68 et à sa rhétorique de la libération sexuelle que Foucault bat en brèche via sa critique de l'hypothèse répressive, même si de facto mai 68 n'est jamais explicitement cité dans la volonté de savoir. En tout cas, moi, cette critique de l'hypothèse répressive, c'est le premier des Foucault que j'ai utilisé dans ce que j'ai écrit. Mon autre Foucault, plus tardif, c'est celui qui permet un questionnement du néolibéralisme appliqué à la sexualité. Alors, c'est pas toujours dans ces textes sur la sexualité qu'on voit poindre l'attention de Foucault au néolibéralisme de la manière la plus flagrante. Toutefois, il me semble que dans l'histoire de la sexualité, il y aborde son intérêt, non, il l'écrit dans d'autres textes d'ailleurs où il commente l'histoire de la sexualité, non pour le sujet des philosophes, mais pour le sujet moderne, susceptible de se transformer, qui, à mon sens, joue un rôle assez important dans l'émergence du néolibéralisme, et pas que, à mon sens d'ailleurs. Et on en trouve clairement des traces dans l'histoire de la sexualité, surtout les deux derniers tomes, mais aussi dans la même période, et ça a son importance, dans la naissance du biopolitique, donc cours au Collège de France de 78-79, et puis dans ses derniers cours au Collège de France de 83, le gouvernement de soi et des autres. Biopolitique, biopouvoir, pouvoir. Au-delà de la sexualité, et bien que ce soit une partie vraiment centrale de la volonté de savoir, c'est un Foucault qui me semble transverse et qui porte donc une attention au pouvoir, à leur circulation, à leur caractère multisitué, dont l'exercice n'est jamais unilatéral, à l'inverse de la domination de Bourdieu. Un Foucault contre Bourdieu donc, en tout cas à mon avis. Et qu'il a fait écho aux travaux sur la sexualité dans le cadre d'un pouvoir que s'approprient les minorités sexuelles et les séropositifs. Si je caricature, c'est un petit peu l'agentivité, l'idée d'agentivité contre une analyse matérialiste. Voilà en tout cas les Foucault dont je vais tenter de vous parler, dans l'espoir, alors peut-être de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, ce qui me semble était un des projets de Foucault, et dans l'espoir aussi, par rapport au néolibéralisme, de modifier la teneur des questionnements contemporains autour de la sexualité. J'ai appelé la première partie de ce que je vais vous raconter « Recherche, urgence et militantisme des usages posthumes de Foucault ». J'y aborderai tout un ensemble de points un peu disparates, mais qui font écho parfois à rebours à ce qu'écrivait Foucault. D'abord, sur quoi travaillons-nous ? Je vais commencer par une citation de la volonté de savoir. L'aristocratie nobiliaire avait affirmé la spécificité de son corps, mais c'était sous la forme du sang, c'est-à-dire de l'ancienneté des ascendances et de la valeur des alliances. La bourgeoisie, pour se donner un corps, a regardé à l'inverse du côté de sa descendance et de la santé de son organisme. Le sang de la bourgeoisie, ce fut son sexe. Que me pardonnent ceux pour qui la bourgeoisie signifie élision du corps et refoulement de la sexualité. Ceux pour qui la lutte de classe implique combat pour lever ce refoulement. La philosophie spontanée de la bourgeoisie n'est peut-être pas aussi idéaliste ni castratrice qu'on le dit. Un des premiers soins, en tout cas, a été de se donner un corps et une sexualité. Les conditions de vie qui étaient faites au prolétariat, surtout dans la première moitié du XIXe siècle, montrent qu'on était loin de prendre en souci son corps et son sexe. Peu importait que ces gens-là vivent ou meurent. De toute façon, ça se reproduisait tout seul. Pour que le prolétariat soit doté d'un corps et d'une sexualité, pour que sa santé, son sexe et sa reproduction fassent problème, il a fallu des conflits. S'il est vrai que l'asexualité, C'est l'ensemble des effets produits dans les corps, les comportements, les rapports sociaux par un certain dispositif relevant d'une technologie politique complexe. Il faut reconnaître que ce dispositif ne joue pas de façon symétrique ici et là, qu'il n'y produit donc pas les mêmes effets. Il faut donc revenir à des formulations longtemps décriées. Il faut dire qu'il y a une sexualité bourgeoise, qu'il y a des sexualités de classe. Fin de la citation. De fait, les grandes enquêtes statistiques conduites en France en population générale depuis les débuts de l'épidémie à VIH restent totalement rétives à croiser les pratiques sexuelles avec les catégories de classe. Les deux principales enquêtes françaises, donc celle de 93 sous la direction de Spira et celle de 2008, je ne sais plus, de Bajos et Boson, ne consacrent qu'au mieux deux pages assez imprécises à croiser les déclarations de pratique avec les catégories socio-professionnelles ou le niveau d'études des répondants. On est tenté d'interpréter cette frilosité ou ce quasi-silence, c'est difficile de dire, comme un indice du doute quant à la légitimité pour la sociologie à s'intéresser à la sexualité, du moins aux actes précis qu'elle met en œuvre. De fait encore, je me suis moi-même assez peu intéressée aussi aux emboîtements sexuels et en conséquence à leur analyse en termes de rapports sociaux de classe, sauf parfois dans une perspective strictement préventive et sanitaire. Toujours est-il qu'on peut se demander de quoi on parle quand on fait aujourd'hui de la sociologie des sexualités. Dans l'usage des plaisirs, donc à propos de l'antiquité athénienne, mais ça fait sens aussi aujourd'hui, Foucault écrit: on aurait bien du mal à trouver chez les Grecs une notion semblable à celle de sexualité et de chair. Je veux dire, une notion qui se réfère à une entité unique et qui permet de regrouper, comme étant de même nature, dérivant d'une même origine ou faisant jouer le même type de causalité, des phénomènes divers et apparemment éloignés les uns des autres, comportements, mais aussi sensations, images, désirs, instinct, passion. Fin de la citation. Qu'est-ce qu'on travaille donc aujourd'hui? Le désir, la séduction, les prémices, les modalités de la rupture? Certes, mais seulement si on travaille plus souvent aussi sur la banalité de ce qui conduit à la sexualité ou de ce à quoi elle conduit, qui, à l'inverse des pratiques elles-mêmes, peut prendre un caractère visible pour les chercheurs. Depuis les débuts du sida, l'édite recherche sur la sexualité s'intéresse prioritairement à des groupes minoritaires, par exemple les homosexuels masculins, ou à des pratiques que je qualifie d'extraordinaires, la prostitution dans l'espace public par exemple. De facto, le renouveau de ces recherches a largement été initié par une situation d'urgence. Ce sont d'abord les principales personnes concernées dans les pays occidentaux par les risques de transmission ou le vécu de la maladie qui se sont réemparées des questions portant sur la sexualité. Ces hommes, et plus rarement au début ces femmes, étaient pour certains déjà au préalable chercheurs. Je pense, tout le monde pense évidemment à Michael Pollack, mais Alain Giammi qui est aussi présent ici. Hein ? Vous avez redirigé vos travaux vers le sida et la sexualité. Mais le sida a également créé des vocations de toutes pièces de sociologues. Je fais, avec de nombreux autres, partie de cette deuxième génération. Et les sentiments d'urgence ont pu avoir des effets pervers. Comme dans un premier temps du moins, c'est moins vrai aujourd'hui, un rapport instrumentaliste aux auteurs, lorsque nous avions l'impression de ne pas avoir le temps d'assimiler sereinement l'ensemble des écrits accumulés par des sociologues, des anthropologues, des philosophes qui nous avaient précédés. Quoi qu'il en soit, alors que la prolifération des discours sur le sexe et la sexualité s'est accélérée, comme peut-être même Foucault ne pouvait pas imaginer avec les travaux qui ont pris le sida comme raison ou comme alibi pour travailler sur la sexualité, il n'est pas dit, en tout cas dans un premier temps, que nous n'ayons pas perdu en ouverture dans la manière d'aborder cette sexualité. Donc on a certes une prolifération des discours. Et que fait-on de cette critique de l'hypothèse répressive de Foucault ? Un court extrait de La volonté de savoir. Aucune société n'aurait été plus pudibonde, dit-on. Jamais les instances de pouvoir n'auraient mis plus de soin à feindre d'ignorer ce qu'elles interdisaient. C'est l'inverse qui apparaît, au moins un survol général, dit Foucault. Pourtant, alors non seulement d'un côté le sida a accru la prolifération des discours sur la sexualité, mais il a aussi paradoxalement conduit certains jeunes chercheurs, pas tous, hein, et des militants, pas tous non plus, à aller à rebours de la critique de l'hypothèse répressive de Foucault, notamment en matière d'homosexualité, tout en donc se revendiquant malgré tout de Foucault. Sur l'aveu aussi, qui est une partie centrale de la volonté de savoir. Il me semble que certains de ces mêmes chercheurs et militants ont contribué à accentuer un phénomène que pourtant, me semble-t-il, Foucault critiquait. Je le cite. Je vais faire deux citations qu'il faut lire en miroir et qui sont à une vingtaine de pages l'une de l'autre. Première citation très très connue. Notre civilisation, en première approche du moins, n'a pas d'ars erotica. En revanche, elle est la seule sans doute à pratiquer une scientia sexualis, ou plutôt à avoir développé au cours des siècles, pour dire la vérité du sexe, des procédures qui s'ordonnent pour l'essentiel à une forme de pouvoir-savoir rigoureusement opposée à l'art des initiations et au secret magistral. Il s'agit de l'aveu. Plus loin, il faut se demander si depuis le XIXe siècle, la scientia sexualis, sous le phare de son positivisme décent, ne fonctionne pas, au moins par certaines de ses dimensions, comme une ars erotica. Peut-être cette production de vérité, aussi intimidée qu'elle soit par le modèle scientifique, a-t-elle multiplié, intensifié et même aussi créé ses plaisirs intrinsèques ? On dit souvent que nous n'avons pas été capables d'imaginer des plaisirs nouveaux. Nous avons au moins inventé un plaisir autre. Plaisir à la vérité du sexe, plaisir à la savoir, à l'exposer, à la découvrir, à se fasciner de la voir, à la dire, à captiver et capturer les autres par elle, à la confier dans le secret, à la débusquer par la ruse. Face à ces deux extraits de Foucault, comment interpréter ce qui ressemble parfois à une injonction dans les milieux gays, celui de se dire, de révéler aux autres sa sexualité via le fameux coming out. Au sens presque littéral, cette demande de coming out renvoie, je crois, à une maximisation de l'occupation spatiale via une visibilité optimisée dans l'espace public susceptible de faire obtenir une meilleure acceptation sociale et politique. Il n'empêche que le coming out passe par l'aveu. De même, le outing, c'est-à-dire le fait de révéler, par exemple, l'homosexualité de quelqu'un, souvent un personnage public, contre sa volonté. Il me semble qu'on peut le voir comme le revers de la même médaille. Lorsque l'aveu ne vient pas de soi, il n'y a plus alors qu'à le forcer via ce qui ressemble quand même à des formes de dénonciation. Act Up Paris, après des temps d'hésitation, n'a outé personne au moment des mobilisations contre le Pax en 98-99. Act Up New York, par contre, a outé certains personnages publics américains. Alors comment expliquer, parce que la question reste entière, de tenter de comprendre pourquoi certains chercheurs et certains militants, qui se revendiquent pourtant de Foucault, l'instrumentalisent parfois bien au-delà de ce qu'il a écrit. Et je crois que pour comprendre, on est vraiment obligé d'en passer par la définition du pouvoir que donne Foucault. Dans la volonté de savoir, il écrit. Je vais boire avant parce qu'elle est longue la citation. Par pouvoir, je ne veux pas dire le pouvoir, comme ensemble d'institutions et d'appareils qui garantissent la sujétion des citoyens dans un état donné. Par pouvoir, je n'entends pas non plus un mode d'assujettissement qui, par opposition à la violence, aurait la forme de la règle. Enfin, je n'entends pas un système général de domination exercé par un élément ou un groupe sur un autre et dont les effets, par dérivation successive, traverseraient le corps social tout entier. Il me semble qu'il faut entendre d'abord par le pouvoir la multiplicité des rapports de force qui sont immanents au domaine où ils s'exercent. Le jeu qui, par voie de lutte et d'affrontement incessant, les transforme, les renforce, les inverse. La condition de possibilité du pouvoir, en tout cas le point de vue qui permet de rendre intelligible son exercice jusqu'en ses effets les plus périphériques, et qui permet aussi d'utiliser ces mécanismes comme grille d'intelligibilité du champ social, il ne faut pas la chercher dans l'existence d'un pouvoir central, dans un foyer unique de souveraineté. C'est le socle mouvant des rapports de force qui induit sans cesse, par leur inégalité, des états de pouvoir, mais toujours locaux et instables. En disant implicitement qu'il n'y a pas de fatalité à la domination, que chacun a les moyens d'agir et qu'il ne faut cesser de le faire, Foucault peut-être, bien involontairement, j'en sais rien, a permis que ses travaux soient utilisés par les militants des mouvements gays et lesbiens et par les militants SIDA, dont certains, il faut, je le rappelle, ont parfois été aussi des chercheurs sur la sexualité et le SIDA. Un autre extrait qui est certes plus subtil dans le fond qu'être un simple encouragement à des prises de parole et à des mises en acte alternatives qui est significatif. C'est d'ailleurs la seule fois où dans le tome 1 de l'histoire de la sexualité, on peut supposer un peu à tort qu'il parle d'homosexualité, parce que finalement dans ce tome 1, il n'en parle pas. Mais sur le pouvoir, il est, me semble-t-il, important. Le discours véhicule et produit du pouvoir. Il le renforce, mais aussi le mine, l'expose, le rend fragile et permet de le barrer. De même, le silence et le secret abritent le pouvoir, ancrent ses interdits. Mais il dessert aussi ses prises et ménage des tolérances plus ou moins obscures. Qu'on songe par exemple à l'histoire de ce qui fut par excellence le grand péché contre nature. L'extrême discrétion des textes sur la sodomie, cette catégorie si confuse, la réticence presque générale à en parler a permis longtemps un fonctionnement double. D'une part, une extrême sévérité, d'autre part, une tolérance assurément très large. Il n'en reste pas moins que la dernière phrase de la volonté de savoir doit continuer à nous faire réfléchir. Ironie de ce dispositif de sexualité, il nous fait croire qu'il y va de notre libération. Donc, dernière phrase de la volonté de savoir. Donc, jusqu'ici, j'ai fait quelques citations issues de l'usage des plaisirs, mais j'ai surtout utilisé la volonté de savoir, parce qu'il me semble que c'est ce volume, alors faudrait vérifier de manière beaucoup plus systématique, mais qui c'est ce volume qui a essentiellement été utilisé par les sociologues et les anthropologues ayant travaillé sur la sexualité et le sida, et par les militants gays, lesbiens, alors même pourtant qu'il n'y ait pas question d'homosexualité. Or, l'homosexualité, par contre, est assez présente dans les deux derniers volumes de l'histoire de la sexualité. Bah, en tout cas, ce que c'est pas de l'homosexualité, évidemment, hein, c'est autre chose. Mais déjà, dire que Foucault change partiellement de projet entre le tome 1 et les deux suivants. Il s'en explique au début de l'usage des plaisirs en disant « l'interdit est une chose, la problématisation morale en est une autre. Il m'a semblé que la question qui devait servir de fil conducteur était celle-ci. Comment ? Pourquoi et sous quelle forme l'activité sexuelle a-t-elle été constituée comme domaine moral ? » Donc, question qui l'occupe entièrement dans les deux derniers tomes. Un petit clin d'œil pour alléger, pour détendre. Ce qui est amusant, c'est que dans les deux derniers tomes, comme Freud, Foucault s'intéresse à l'Antiquité. Alors certes pas au mythe, mais voilà. Et l'autre chose amusante, c'est que le texte dont il se sert au début du tome 3, c'est un texte sur les rêves, ce qui là aussi évoque un tout petit peu Freud. Alors on a souvent dit que Foucault était excessivement critique par rapport à la psychanalyse et par rapport à Freud. C'est pas toujours si simple, je trouve. Bon, mais c'était un insert, j'ai pas le temps de développer. Donc, les rapports entre hommes et les rapports entre hommes et femmes dans ces deux derniers tomes. À chaque fois, ce sont des questions un peu, les rapports entre hommes, c'est des questions un peu transverses des deux tomes, mais systématiquement, ça fait l'objet de chapitres ou de sous-chapitres spécifiques. Contrairement à ce qu'on a vu parfois des usages de Foucault, posthume, il ne présente pas exactement le modèle athénien ou ensuite le modèle romain des deux premiers siècles après Jésus-Christ comme un idéal. On peut sans doute voir de sa part, en tout cas moi je suis tentée, une forme de fascination pour le modèle athénien. Mais bon. Ce dont il parle finalement dans le tome 2, c'est comment l'Antiquité grecque paraît avoir été mue par la volonté de maîtrise de soi, quel que soit le sexe de la personne avec qui on entretient une relation affective ou sexuelle. Il écrit à ce propos: il me semble bien, du moins en première approche, que les réflexions morales dans l'Antiquité grecque ou gréco-romaine aient été beaucoup plus orientées vers les pratiques de soi et la question de l'askésis que vers les codifications de conduite et la définition stricte du permis et du défendu. Spécifiquement par rapport aux relations entre hommes et garçons, il dit: il y a chez les Grecs une esthétique morale du corps du garçon, le sentiment du caractère fugace de cette beauté, et la question qui est posée alors est celle de la conversion possible, moralement nécessaire et socialement utile, du lien d'amour voué à disparaître entre hommes et garçons, en une relation d'amitié, de philia. Et il écrit plus loin quelque chose qui, moi, fait absolument écho à des choses que j'ai entendues de la part de femmes ou parfois d'hommes que j'ai rencontrées lors de ma recherche sur les femmes multipartenaires qui n'ont pas d'enfants, en tout cas chez ceux qui n'ont pas d'enfants. Il dit, donc parlant de l'Antiquité grecque, « entre un homme et un garçon, le principe de régulation des conduites est demandé à la relation elle-même. » La problématisation se fera donc dans la forme d'une réflexion sur la relation elle-même. Interrogation à la fois théorique sur l'amour et prescriptive sur la façon d'aimer. Or, cette citation, vraiment, elle colle, bien sûr, dit totalement autrement, à beaucoup de ce que des personnes sans enfants hétérosexuelles ont pu me raconter de leur relation de couple. Bon, dans le dernier volume, je crois que je suis déjà un peu longue, donc non, ça va. 15 minutes. Hein, oui, mais c'est ça. Ouais, bon. Dans le dernier volume, on est tenté de trouver que Foucault trouve que les choses se gâtent un peu. Il écrit, on est loin encore, donc là c'est en gros le deuxième siècle après Jésus-Christ à Rome, on est loin encore d'une expérience des plaisirs sexuels où ceux-ci seront associés au mal. Cependant, on peut voir déjà comment la question du mal commence à travailler le thème ancien de la force, comment la question de la loi commence à infléchir le thème de l'art et de la techné, comment la question de la vérité et le principe de la connaissance de soi se développent dans des pratiques de l'ascèse. Et sur les garçons, une certaine diminution de l'importance des rapports personnels de philia, donc d'amitié, ainsi que la valorisation du mariage et du lien affectif entre époux, ont sans doute beaucoup fait pour que la relation d'amour entre hommes cesse de constituer l'enjeu d'une discussion théorique et morale importante. Donc, après avoir traité des écarts possibles entre ce que je comprends des volontés intellectuelles de Foucault et les usages posthumes qui ont pu en être faits, je vais consacrer toute la fin de mon exposé à discuter de la question du néolibéralisme chez Foucault par rapport à la sexualité. Donc j'ai intitulé cette deuxième partie, sans même chercher à la problématiser, le néolibéralisme, la sexualité et le sida. Cette partie de mon intervention, il faut la voir comme une ébauche, une façon d'encourager d'autres chercheurs à poursuivre la réflexion et à malmener ce qui sont pour partie des intuitions chez moi, l'au-dessous de la conscience pour reprendre Foucault. La question qui me taraude, c'est les recherches sur la sexualité sont-elles ou ont-elles été partie prenante, volontaire ou non, de cette nécessaire implication de toutes et tous des personnes aux États pour faire du néolibéralisme un dispositif. La question va au-delà d'une acceptation ou d'un refus du néolibéralisme. C'est plutôt de prise de conscience dont je veux parler avant de parler de prise de position. Or, il me semble que Foucault avait compris avant l'heure le tournant néolibéral, peut-être même, d'ailleurs, l'estimait-il être un moindre mal, difficile de se prononcer là-dessus. Voilà ce qu'il écrivait en 76, donc dans le tome 1 de la volonté de l'histoire de la sexualité. La grande technologie du pouvoir au XIXe siècle, le dispositif de sexualité sera l'un d'entre eux, est l'un des plus importants. Ce biopouvoir a été, à n'en pas douter, un élément indispensable au développement du capitalisme. Celui-ci n'a pu être assuré qu'au prix de l'insertion contrôlée des corps dans l'appareil de production et moyennant un ajustement des phénomènes de population au processus économique. Mais il a exigé davantage. Il a fallu la croissance des uns et des autres, leur renforcement en même temps que leur utilisation et leur docilité. Première sous-partie que j'ai intitulée « Des pratiques sexuelles à l'identité sexuelle, du faire à l'être ». Donc, en Europe, l'émergence des termes homosexualité, hétérosexualité, bisexualité à la fin du XIXe montre globalement le passage d'une sexualité préalablement pensée dans le faire, alors c'est un peu caricatural, c'est évidemment toujours plus mouvant et fluctuant, à une sexualité pensée dans l'être. Après le 19e siècle, la norme se confond peu à peu avec l'hétérosexualité dans ce qui ressemble apparemment à un élargissement des pratiques autorisées. Mais je crois que le glissement dit bien davantage que cet accroissement apparent de permissivité. De permissivité. C'est désormais le sexe des partenaires qui importe pour permettre le classement dans ou hors la norme, donc une référence individuelle. Le critère de catégorisation s'est donc radicalement déplacé. D'un critère d'action, on est passé à un critère d'état. Dire « je suis ceci ou cela » implique dorénavant la totalité d'une personne, son « je suis sexuel » ayant tout lieu d'être réifié en un tout qui gomme les caractéristiques sociales classiques. Le grignotage du sexuel par des logiques identitaires est pour moi le signe d'un marquage à fort potentiel essentialiste. Plus encore, en marquant le tout de la personne, il a, je crois, créé les contours d'une responsabilité individuelle, cette responsabilité et responsabilisation étant parmi les conditions sine qua non du développement du néolibéralisme, comme le montre entre autres, par exemple, le bouquin que vous avez fait avec Dardot, donc, mais aussi des chercheurs post-foucaldiens, comme ceux qui sont rassemblés autour de Andrew Barry. Toujours est-il que, depuis le sida, l'approche de la sexualité par les sciences sociales via le découpage catégoriel, homosexualité en tête, doit commencer à poser question. Non que cette logique soit sans fondement lorsqu'il s'agit de limiter le nombre des contaminations par le virus, donc lorsque le champ d'investigation est celui de la santé. Mais elle a atteint l'ensemble des travaux sur l'objet sexualité, y compris lorsque les préoccupations épidémiologiques s'estompent. Alors, une définition du néolibéralisme. Pour établir les liens entre l'actualité sexuelle des 30 dernières années et le néolibéralisme, peut-être qu'il faudrait en revenir à l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Weber, mais cela dit, Max Weber n'est pas d'un temps où l'on parle du néolibéralisme. Et il se passe bien quelque chose dans le passage du libéralisme au néolibéralisme, quelque chose de fondamental que je trouve nombre de débats contemporains feignent d'ignorer. Foucault l'évoque, sans forcément le regretter, dans La naissance de la biopolitique. Dans le libéralisme, pour ce que j'ai compris, le marché fonctionnait à la fois grâce à la croyance en une sorte de rationalité naturelle des agents et par la nécessité de limiter les interventions jugées parasitaires des États. Dit autrement, l'économie se cantonnait à l'économique. Un changement majeur s'opère avec le néolibéralisme et à la suite de Foucault, le philosophe Michel Feher, qui s'est lui aussi intéressé aux questions sexuelles, le dit comme suit. Son organisation du néolibéralisme ne résulte pas de la conduite spontanée des agents économiques. Elle a au contraire besoin d'être instituée, protégée et même constamment entretenue par une politique de la société, potentiellement aussi interventionniste que celles qui sont menées par les gouvernements dirigistes. Cette définition, comme plutôt celle de Foucault ou comme aujourd'hui celle de Pierre Dardot, Christian Laval, si j'ai bien compris, en tout cas, vous c'est hors sexualité, mais porte l'idée qu'il y a dans le néolibéralisme une diffusion de la raison économique à l'ensemble du corps social. Diffusion dans laquelle les États sont partie prenante. À l'inverse du libéralisme, le néolibéralisme serait donc un dispositif global, une rationalité gouvernementale, pour reprendre Paris, ou je crois qu'Émilie H. qui fait partie du... Sophia Paul utilise aussi cette expression, c'est-à-dire finalement une logique normative qui gouverne les personnes directement autant qu'indirectement et qui perturbe les clivages idéologiques, concerne aussi bien ceux et celles qui se disent de droite ou de gauche, les gouvernements de droite ou de gauche. Dans La volonté de savoir, Foucault écrit « Le dispositif de sexualité a pour raison d'être non de se reproduire, mais de proliférer, d'innover, d'annexer, d'inventer, de pénétrer les corps de façon beaucoup plus détaillée et de contrôler les populations de manière de plus en plus globale. » Il me semble que ça fait écho avec ce que j'ai dit avant. Par ailleurs, le néolibéralisme, comme système économique, mais pas seulement, est susceptible de se nourrir de l'attention au sujet comme valeur morale, politique, individuelle, pour créer l'implication de tous, volontaire ou non. Il s'agit, je crois, que les connivences soient tellement enchevêtrées et touchent le maximum d'échelle, que les oppositions se réduisent à portions congrues, que même les autocensures se mêlent de taire les doutes. D'où mon hypothèse que les chercheurs peuvent aussi, peut-être à leur corps défendant, participer de ce dispositif. D'où également l'urgence qu'il y a à proposer une épistémologie, c'est toujours un peu prétentieux, mais bon, sous cet angle, en tout cas, des travaux de sciences sociales sur la sexualité des 30 dernières années. Non forcément pour les rejeter en bloc, je ferai partie du lot d'ailleurs, mais pour faire gagner une visibilité à une mécanique qui est à bien des égards invisible ou invisibilisée. Maintenant, je vais vous parler des enseignements un peu inattendus d'une recherche sur les maladies chroniques. C'est une recherche qui m'a été commandée en 2007-2008 par le Conseil scientifique de la Fondation Roche, les laboratoires pharmaceutiques, sur le traitement par les sciences sociales des maladies chroniques depuis l'après-guerre. Et cette recherche m'a en quelque sorte décilée sur ce que j'avais fait moi-même et sur ce que nombre de mes collègues, que j'apprécie par ailleurs beaucoup, c'est pas la question, avaient fait aussi. Donc il s'agissait de faire le point sur la littérature, de la littérature en français ou en anglais sur ces maladies chroniques. A priori, la sexualité était absente de la commande, mais en 2007, il était de plus en plus admis de reconnaître que le sida était devenu de ces maladies au long cours, produites par les progrès de la médecine, les découvertes pharmaceutiques et dans une certaine mesure aussi les systèmes d'assurance sociale. Et les séropositifs de ces malades qui, à la différence des patients souffrant d'infections aiguës et qui se soignent vite, ou qui à l'inverse, enfin soit qui se soignent vite, soit à l'inverse qui conduisent rapidement à la mort, donc les séropositifs de ces malades qui s'installent dans la maladie peuvent demeurer économiquement productifs, voire sont enjoints à le demeurer. Sont tous, malgré tout, figurés comme représentant un coût et ont in fine une place tout à fait inconfortable et sans rituel entre l'homme sain d'un côté et l'homme disparu de l'autre. Faire ce rapport fut en quelque sorte un choc salutaire. Parce que l'économie implicite de ces pathologies, donc les maladies chroniques, raisonner avec ce que j'avais pu observer des pratiques militantes et scientifiques autour du VIH et de la sexualité. Via d'apparentes belles idées, pouvait en effet se dessiner une histoire plus large, une histoire que nous n'avons peut-être pas vue venir. J'ai pas le temps ici de résumer évidemment les contenus de ce rapport, j'en retiens deux points et deux chercheurs, ces deux chercheurs se considérant soit comme foucaldiens, soit comme post-foucaldiens. Le premier, très connu, Paul Rabinoff, s'inquiète que le prix de la non-mort des maladies chroniques et la responsabilisation des individus ait permis le passage d'une santé vue avant comme un droit garanti par les États aux citoyens, à une santé vue comme un dû des citoyens à la société et à la nation. Ça, c'est écrit en 91 par Rabinov. 10 ans plus tard, en 2000, puis dans des articles plus tardifs, Rose Galvin enfonce le clou. Elle voit un rapport de causalité entre l'accroissement de nos connaissances scientifiques, dont celles qui ont conduit à la chronicisation des maladies anciennement mortelles, et l'importance grandissante accordée au comportement individuel. Pour elle, l'accroissement des savoirs aurait conduit à l'illusion d'un contrôle total, contrôle dont la responsabilité pèserait aujourd'hui sur les personnes. Conséquemment, tout le monde, toujours pour Galvin, ceux qui sont mal portants renvoient l'écho d'une faillite. Ils renvoient aussi aux bien portants leur possible sacrifice pour rester en bonne santé. D'où évidemment des tensions potentielles fortes. D'où, dans une certaine mesure aussi, la conformation des malades et des séropositifs présents dans les associations de lutte contre le sida notamment, à ce qui est implicitement attendu d'eux, c'est-à-dire de rester autonomes. Alors, finalement, les militants et les chercheurs S-Sida, et par là, travaillant aussi parfois la sexualité, ont-ils été les agents ou les jouets d'un changement de paradigme qui ancre le néolibéralisme? Les pratiques militantes autour du sida et de l'homosexualité ont été médiatisées comme rarement auparavant. Et ce qui a été fort aussi, c'est l'intérêt pour les malades, pour les séropositifs, d'être partie prenante des décisions les concernant. Et aussi comment l'expérience de la maladie les a construits et comment l'appartenance à une minorité sexuelle a aussi été montrée comme un potentiel d'augmentation de la puissance d'agir. Ce qui fait écho à l'idée de pouvoir chez Foucault. A priori, l'histoire des maladies chroniques et celle du VIH pourraient être vues comme contradictoires. Les premières sont la conséquence des progrès médicaux et pharmaceutiques. Le second, le sida, vient d'abord dans un premier temps rappeler à la médecine son impuissance et la faire descendre de son piédestal. C'est dans un premier temps parce que les séropositifs apprennent quasiment au même rythme que les professionnels de santé, ce qu'est leur pathologie, qu'ils se sont appropriés du pouvoir. L'histoire du virus et le mystère initial qu'il a représenté pour la biologie expliquent grandement que les premiers séropositifs aient d'emblée été responsabilisés, qu'ils soient même devenus des collaborateurs de soins, voire, pour reprendre Daniel Defer, donc le compagnon de Foucault, des patients éducateurs. Mais si cette histoire les distingue à leur début des malades chroniques, d'autres facteurs les en rapprochent, qui font des séropositifs les agents parfaits, à leur corps défendant le plus souvent, je crois, de processus de responsabilisation qui, avec le temps, peuvent se transformer en principe de culpabilisation et d'individualisation de la santé. Car dans les premiers temps de l'épidémie, ce que touche le VIH, dans les pays occidentaux en tout cas, sont jeunes ou en pleine maturité. Ils connaissent des périodes de rémission qui leur laissent le temps d'agir, même importance de la durée pour les maladies chroniques, et surtout, étant pour beaucoup déjà dans des milieux politisés, celui des minorités sexuelles, en l'occurrence des milieux gays masculins surtout, alors ils sont sans doute d'autant plus tentés de mettre en avant l'augmentation de leur puissance d'agir ou quelque chose qui a à voir avec l'empowerment que d'autres groupes. Or, il me semble aujourd'hui que la valorisation du concept d'empowerment peut être vue aussi comme une arme à double tranchant. via l'encouragement individuel à la prise de décision et au renforcement des capacités d'action, cet empowerment contribue dans une certaine mesure peut-être à assister le néolibéralisme. Alors que l'empowerment visait initialement des réappropriations du pouvoir par des personnes concernées par un stigmate durable, le concept peut se retourner contre elles. Puisque les patients revendiquent leur caractère d'agent, alors ils sont responsables également des méfaits qu'ils sont susceptibles de produire. Ils peuvent donc devenir coupables sans que leur dépendance ou leur passivité, rejetée par eux-mêmes, en tout cas par leurs représentants associatifs, ne puisse plus les faire pardonner ou prendre en charge. Davantage, leur responsabilisation, échafaudée par leurs propres soins, s'inscrit dans une telle logique de performance qu'ils peuvent eux-mêmes se sentir coupables lorsqu'une fragilité temporaire les contraint à ne plus pouvoir continuer à être des agents actifs de la société malgré la maladie. Sans parler des conséquences d'ailleurs pour l'ensemble des malades, et là pas les séropositifs, dont il est loin d'être prouvé qu'ils aient tous un accès égal à l'empowerment et à ses bienfaits. Bon, l'exemple du sida oblige, je crois, à questionner sous un jour nouveau une autre performance contemporaine, celle qui exige toujours plus d'autonomie, celle portée par les mouvements militants d'émancipation. Car leurs revendications, qui sont initialement motivées par la demande très légitime d'une meilleure égalité, et qui ont été portées par celles ou ceux qui étaient tenus ou se sentaient tenus en position d'infériorité, mais ces revendications peuvent également et involontairement porter le germe d'une dislocation de la solidarité collective et institutionnelle et produire des formes nouvelles d'inégalité. D'autant que l'État, là je parle de la France, a pu se défausser de son implication en déplaçant la responsabilité, alors certes via des subventions publiques, hein, mais vers les associations type loi 1901. Bon, alors cela étant dit, j'ai des doutes, des énormes doutes sur quel modèle, quelle morale, pour suivre Foucault, pourrait se substituer au néolibéralisme. Et il ne s'agit certainement pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais bon, peut-être je voudrais finir par une citation un peu légère. En fait, c'est une citation que j'ai déjà lue à certains, où je contrefais, c'est une citation de Michel de Certeau, où je remplace le mot « corps » par le mot « sexe » ou « sexualité ». Là, je vais le faire avec le mot « sexualité ». Et je trouve que ça fait du sens en le remplaçant. La sexualité est un insaisissable. C'est toujours un effet de discours, un semblant de sexualité. Donc, tour à tour, un secret postulé et un secret produit. On a une théorie de la sexualité comme condition illisible des fictions et une théorie des fictions de la sexualité. Reste, après ces théories, à se demander pourquoi ces fictions se produisent. Voilà, merci. Merci à toi, Catherine, pour quelque chose que pour ma part je vois comme une prolongation de ton mémoire d'habilitation à diriger des recherches particulièrement riche et féconde. Je ne sais pas si qui veut poser la première question. Christian Laval. Je remercie Catherine effectivement de porter non seulement des éléments sur Foucault et sa problématisation, comme il aurait dit, de la question de la sexualité, mais aussi de faire le lien entre différentes parties de son travail qu'on a souvent tentation, la tentation d'isoler en particulier la question de la travaux sur la sexualité, et puis les cours, en particulier les cours sur le néolibéralisme. Mais pour aller dans ce sens, et je crois qu'il y a suffisamment d'éléments effectivement que vous avez apportés qui le confirment, il y a un fil, ne serait-ce que parce que la question du biopouvoir est posée d'emblée dans le premier texte, dans le premier volume, l'histoire de la sexualité, et que, évidemment, cette dimension du biopouvoir ou de la biopolitique se retrouvera évidemment dans le grand cours qu'il va consacrer au néolibéralisme, donc au Collège de France en 79. Mais justement, ce qui est, me semble-t-il, très intéressant, c'est de voir qu'il y a en même temps des glissements. Quelle est la cible de Foucault? Parce que c'est un stratège. On l'a dit lors de nos deux premières séances, Foucault est un stratège. C'est-à-dire qu'il intervient théoriquement sur des champs politiques, dans des rapports de pouvoir qu'il calcule. Et il vise à peser dans des forces. Je crois qu'il n'a pas du tout en vue à ce moment-là, très consciemment en tout cas, le néolibéralisme, encore qu'il peut être conscient d'un certain nombre de mouvements qui s'opèrent dans le pouvoir, mais il a quand même, comme il réagit à 68, il réagit au reichisme, Reich, au succès de Wilhelm Reich. Je crois qu'on ne peut pas faire penser à Foucault dans ces années-là sans penser à l'énorme succès de ce qu'un moment appelait le proto-marxisme, avec des organes, des militants, avec Kelcor, enfin avec Jean-Marie Brome, avec énormément de gens d'ailleurs qui sont dans un rapport assez polémique avec Foucault, enfin, qui seront dans un rapport assez polémique avec Foucault. Et je pense qu'il intervient pour précisément le dire, et il le dit très clairement dans la dernière phrase de la volonté de savoir, finalement, vous prenez la libération du sexe, c'est votre ligne politique, c'est votre éthique personnelle, mais sachez que ce n'est pas nouveau et que vous vous inscrivez dans une longue tradition, en particulier de la bourgeoisie. Ce qui, à l'époque, prenait directement à contre-courant, à contre-poil, j'ai envie de dire, à rebrousse-poil, des courants massifs. Je veux dire, toute la contre-culture gauchiste de l'époque allait dans l'autre sens. C'est ça que je crois qu'il faut saisir, que Foucault dit à ces centaines de milliers de jeunes, vous croyez lutter pour votre émancipation et votre libération. Un peu comme Spinoza, ils pensent tous lutter pour leur libération, ou en tout cas, ils luttent en tout cas pour leur nouvelle forme de dépendance, de nouvelle forme de pouvoir, qu'ils ignorent finalement les ressorts, etc. Donc je pense que c'est la deuxième cible, la psychanalyse. Deuxième cible, la psychanalyse, non pas qu'il méprisait Freud, au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui avait une immense admiration pour Freud. Il a une grande fascination pour Lacan, même s'il dit dans ses confidences qu'il fait à Jacques-Alain Miller et à d'autres, à ses amis, ses jeunes amis, qu'il n'y comprend rien. Enfin, il est tout à fait fasciné par Lacan. Et sans entrer en polémique ouverte avec un Lacan qui avait reconnu d'ailleurs la valeur de ses travaux, en particulier de l'histoire de la folie, c'est quand même au centre de tout ça, il y a quand même l'idée que le problème, c'est la conception juridique du pouvoir. L'hypothèse répressive n'est rien d'autre finalement qu'une très très ancienne conception du pouvoir comme loi interdictrice. Et ce qui va, me semble-t-il, être le fil qui va l'amener à la compréhension du néolibéralisme, c'est que le pouvoir n'est pas la loi, et qu'il n'est pas l'interdit, et que nous sommes entrés très clairement, depuis au moins le XVIIe siècle, dans des régimes de pouvoir, dans des régimes normatifs, qui ne fonctionnent pas à l'interdit, mais à la production, qui ne fonctionnent pas à la répression, mais à la maximisation. Et c'est tout l'intérêt qu'il portera à l'utilitarisme, comme la technologie même du pouvoir capitaliste. Et ça continue, me semble-t-il, avec la sexualité, puisque précisément ce qui l'intéresse, ce sont les mécanismes de maximisation du plaisir, de production, productivité, qu'il voit à l'œuvre dans la production de la population, de cette façon, mais aussi dans la productivité du plaisir, etc. D'où le fait qu'il y a en effet des rapports que vous établissez avec une grande justesse entre cette conception de la sexualité comme productivité de classe et la conception capitaliste du pouvoir comme organisation de la productivité. C'est dans ce sens qu'il est très marxiste aussi, de ce point de vue-là, puisque ce qu'il repère chez Marx, c'est précisément une théorie positive du pouvoir comme dispositif de production et de maximisation de la production. Alors ça ne peut pas faire plaisir, effectivement vous avez tout à fait raison, ça ne peut pas faire plaisir à tous ces militants qui pensent plutôt en termes de libération du désir et de développement des forces productives. Il les prend totalement à contre-pied. Et ensuite, tout ce que vous avez dit sur la réutilisation de Foucault est extrêmement intéressant et intelligent, parce que précisément, ce que dit Foucault n'est pas supportable. Je pense que ce n'est pas supportable dans l'époque. Il est tellement à contre-courant, etc., qu'il le retourne et qu'il, d'une certaine façon, on le voit encore aujourd'hui sur le néolibéralisme. Il y a encore des gens qui pensent que Foucault a fait l'apologie du néolibéralisme. Il a quelque chose encore aujourd'hui d'inadmissible, d'une certaine façon, tellement il va à contresens de ce que nous pensons être et faire. Et je crois que sur la sexualité, c'est particulièrement manifeste. Alors, juste pour terminer, je vais un peu trop long, il me semble que terminer sur l'empowerment et sur la puissance d'agir est extrêmement juste. Et je trouve que vous tapez pile, finalement, sur le point précis où Foucault précisément n'est pas dans une problématique néolibérale, puisque ce qui l'intéresse, et Deleuze ou surtout Guattari l'auront à mon avis bien vu, c'est la question du collectif. C'est-à-dire que pour parer aux logiques individualisantes, responsabilisantes, culpabilisantes, etc., ce sur quoi comment dire, l'espoir de Foucault, si on peut appeler ça comme ça, c'était de penser en termes de collectif, c'est-à-dire finalement de production d'une autonomie collective, production de savoir minoritaire, mais quand même relativement élaboré dans les collectifs. Et ce qu'on a vu la dernière fois sur les prisons avec le GIP, etc., était dépassé bien, très loin, à mon avis, le cadre de la prison, a été un modèle d'action et de résistance par le collectif. C'est-à-dire que la question de l'agir, c'est l'agir commun. Je pense que Foucault était l'un de ceux qui ont le plus mis l'accent sur cette question-là. Bon, il ne l'a pas élaboré comme tel, mais je pense que c'était là un levier anti-néolibéral qu'il avait, je crois, dessiné ou esquissé. Alors, c'est pas du tout une question, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai apprécié votre travail. Catherine. Mais je ne sais pas, en fait, c'est une discussion, non, ah, parce que c'est ça. Voilà. Mais, moi, j'avoue que préparer cette intervention m'a donné. Là, j'ai eu le temps de relire vraiment que l'histoire de la sexualité, les trois tomes, mais m'a donné envie de réarticuler ensemble tous les textes de cette époque, pour voir comment peu à peu on en arrive. Parce que sur Foucault et le néolibéralisme, on a parfois du mal à saisir exactement où il se situe. Mais là, vous l'avez dit, prenez la dernière phrase de la volonté de savoir, et vous comprenez, me semble-t-il, ce qu'il dit, c'est-à-dire sur la question de la libération. C'était aussi une époque où il y a un grand journal qui s'appelle Libération, qui est fondé par des militants, et qui provoque l'ironie de Foucault. Je veux dire, il est ironique, il a un rapport ironique à tout ce que font ses jeunes amis, qu'il admire beaucoup, enfin une admiration sans doute. Mais il est très ironique, il est très nietzschéen, aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire que quand il voit des gens qui prônent la libération, il s'amuse, de façon de leur naïveté. Et il est, enfin, je ne me souvenais pas que l'histoire de la sexualité était à tel point nietzschéenne, justement, à quel point une balade, c'est très intelligent. Sur... D'abord, on pourrait croire ça. Et puis ensuite, il le met en cause. Il ne cesse, surtout dans le tome 1, de mettre en cause et de nous amener plus loin en nous faisant bien comprendre qu'on a été d'abord un peu bête d'adhérer à telle chose. Et liberté et vérité, me semble-t-il, sont interchangeables dans la... Je veux dire que de la même façon qu'il y a une histoire de la vérité, il y a une histoire de la liberté. De toute façon, beaucoup de phrases dénoncées de Foucault valent aussi bien pour la vérité, c'est plus souvent la vérité qu'il questionne, mais tous ces travaux politiques sont des travaux auxquels il fait la généalogie des discours de liberté comme discours du pouvoir. Alain, Jamy. Je n'ai pas exactement la même lecture de Foucault, enfin, et la même écoute de l'exposé, enfin, que celle que vous venez de dire. Notamment, enfin, moi j'ai travaillé assez peu le néolibéralisme, donc ce n'est pas cette partie-là qui m'intéresse, c'est surtout la partie de la volonté de savoir que je lis en regard des anormaux. Hein. C'est-à-dire les anormaux, c'est le laboratoire de la volonté de savoir. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement à quel moment l'un et l'autre sont parus, mais on retrouve, quand on lit les deux ouvrages en parallèle, enfin, il y a des pans entiers qui sont identiques les uns dans les autres. Et à partir, disons, alors, je dirais, et aussi, je dirais, il y a un certain nombre d'auteurs que tu n'as pas du tout cité, enfin, dans ton exposé, enfin, et qui me servent, moi, pour penser le travail de Foucault, il y a effectivement Gagnon, je veux dire, qui travaille à la même époque, hein, et dont on peut dire, alors quels sont les points communs, je veux dire, entre les deux, hein, je veux dire, bon, Gagnon et Simon. Et il y a, alors, Freud a été cité très tard dans l'exposé ici, mais il me semble que Freud est central dans la volonté de savoir, et je cherche désespérément un PDF ou un Word de la volonté de savoir pour compter le nombre de fois que Foucault cite Freud, parce que Foucault cite très peu de personnes, hein, de noms d'auteurs, et il me semble que... Surtout dans la volonté de savoir, vraiment, enfin, si quelqu'un a un tel document... Je veux dire, elle peut me dire combien de fois Freud est cité dans la volonté de savoir, je serais vraiment ravi. Et alors, justement, à la lecture de la volonté de savoir, moi, il me semble que Foucault ne s'intéresse pas à la sexualité. Son problème, c'est la vérité. Et pour paraphraser Freud, je dirais que pour Foucault, la sexualité, c'est la voie royale pour accéder non pas à l'inconscient, mais à la vérité. Et qui aurait le même statut, et que d'une certaine façon, Foucault n'est pas ne serait pas en contradiction avec Freud, mais au contraire, il aurait amplifié la position freudienne, qui consiste à mettre la sexualité et le développement psychosexuel, enfin, de ramener la sexualité qui, par les sexologues du 19e siècle, est mise dans les bas-fonds, hein, dans les bas-fonds, dans la psychiatrie, dans le médico-légal, enfin, dans la criminalité, etc. Et de ramener le sexuel au centre de la subjectivité. C'est-à-dire, les théories de Freud sur le développement psychosexuel placent le sexuel au centre même de l'identité et de la vérité. C'est-à-dire, Freud est vraiment celui qui a placé le sexuel, disons, comme vérité des identités, des subjectivités, etc. Et Foucault, qu'amplifier ça, c'est-à-dire qu'il l'amplifie au plan du collectif et du culturel, c'est-à-dire que c'est le sexuel qui va nous révéler, et il le... Alors, je pratique beaucoup... Oui, c'est la bourgeoisie qui fait ça, c'est pas Foucault. C'est pas... Lui, il ne fait que constater, c'est la bourgeoisie qui a fait ça. Mais c'est lui qui le... Vous pensez que c'est l'interprétation qui donne, qui fait... C'est Foucault qui crée cet objet comme le sexuel au centre de la vérité, disons, de la société, si vous voulez. Alors, et justement, autour de la question de l'hypothèse répressive, moi je faisais ma thèse à cette époque-là, je veux dire, reichien, marcusien, plutôt marcusien que reichien. Je trouve que Reich est un petit peu simpliste, hein, je veux dire, autour de la question, c'est-à-dire la question de la répression de la sexualité naturelle, enfin, etc., de la normalité. Mais Marcuse était beaucoup plus subtil parce qu'il faisait la distinction entre la répression qui est nécessaire à la vie, à l'humanisation, disons, des individus, et la sur-répression qui est la répression qui est du fait de la, pour le renforcement de la domination. C'est sur la sur-répression qu'il faut se battre, enfin, etc., parce qu'on peut pas, on est des humains, etc. Et moi, ça m'a complètement déstabilisé quand en 76, quand moi, ma thèse a été sur l'éducation sexuelle, et je l'ai soutenue en 78. Et donc, c'était extrêmement déstabilisant, mais justement, en y revenant, parce que j'ai travaillé récemment sur la révolution sexuelle, et je vous annonce peut-être l'épreuve d'un ouvrage qui va sortir aux éditions Palgrave sur les révolutions sexuelles, qui va sortir au printemps. On a tout à fait rediscuté cette affaire-là, c'est-à-dire sur l'hypothèse, c'est l'usage qui est fait de l'hypothèse répressive. Et je veux dire, c'est les gens qui disent effectivement, qui se fondent sur Foucault pour dire qu'il n'y a pas eu de révolution sexuelle, ou que la révolution sexuelle, ça a été pire. C'est le discours de Furet ou d'autres, enfin, sur la Révolution française ou sur la Révolution soviétique. Il y a un révisionnisme dominant par rapport à la question de la révolution sexuelle. Il ne s'est rien passé, finalement, ça a été, surtout pour les femmes, ça a mis les femmes à la disposition des hommes. Et ça a renforcé la domination masculine, etc. Donc, il y a un discours comme ça qui est fondé sur Foucault. Et en fait, Foucault, je veux dire, il y a une certaine schizophrénie, je dirais, on ne peut pas écrire en même temps la société punitive et se battre dans le GIA, dans le JIP, contre la politique de ce pouvoir qui réprime, qui interdit, etc. Et en même temps dire que, l'hypothèse répressive, critiquer l'hypothèse répressive. Moi, il me semble qu'il y a vraiment une contradiction. Et la contradiction, à mon avis, elle est au fait qu'effectivement, il y aurait eu une production et une surproduction des discours sur la sexualité qui n'a pas empêché, je dirais, vraiment la répression des conduites. C'est-à-dire, quand il parle de l'enfant, enfin, toute la série des situations qui sont évoquées sur la quatrième de couverture de la première édition de La volonté de savoir, c'est vraiment il y a un traitement psychiatrique, il y a un traitement criminel dont on ne peut pas dire qu'il ne soit pas de l'ordre, enfin, de la répression, même si il est dans la production. Donc, à mon avis, on a fait un contresens sur Foucault en généralisant sa critique des hypothèses répressives, qui porte la critique tout à fait sur les discours, et il le dit, ceux qui dénoncent avec passion, etc., renforcent le système. Mais on n'a pas pris en compte le fait qu'effectivement, l'avortement était interdit, la contraception était interdite, les jeunes adultes n'avaient pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Tout ça, je veux bien qu'on me dise que ce n'est pas de la répression, l'homosexualité était interdite jusqu'en 80. Était un délit, c'est-à-dire que ce n'était pas interdit, c'était un délit. C'était une maladie mentale jusqu'en 73. Etc. etc. Donc, jusqu'à quel point on peut remettre en question l'idée d'une répression. Alors, évidemment, et c'est là que le travail de Gagnon qui précède celui de Foucault, autour de. Relisez ma préface. en français. De l'édition française. C'est l'introduction de l'esprit de la sexualité qu'on a traduit aux éditions Payot. Il a travaillé avant. Alors, le point commun, c'est effectivement l'idée que la sexualité n'est pas de l'ordre de la nature. En fait, c'est-à-dire, c'est une construction, c'est la position constructionniste. Ça, c'est le point commun. Enfin, Foucault est complètement là-dedans. Gagnon l'a formulé avant, d'une certaine façon, avant Foucault. Et il n'y a pas, disons, cette... Bon. Et ensuite, effectivement, Gagnon a travaillé sur le XXe siècle, et sur la sexualité ordinaire, alors que Foucault a travaillé sur le 19e siècle, sur les sexualités marginales, interdites, prohibées, enfin... Dans les deux derniers tomes. Oui, dans les deux derniers tomes, oui, tout à fait. Mais je pars surtout de la volonté de savoir. Ensuite, c'est autre chose. Hein. C'est un autre projet pour moi. Je crois qu'il y a vraiment eu une rupture entre les deux qui a duré quand même plusieurs années. Et les deux bouquins, là, les tomes 2 et tome 3, sont sortis la semaine où Foucault est mort. C'était terrible, hein, parce qu'il y avait en même temps la mort de Foucault, en même temps les deux bouquins étaient dans toutes les vitrines. Donc voilà, enfin bon, je pourrais dire beaucoup de choses d'autres. Il y a la question de Bourdieu, effectivement. Qui... Oui, alors peut-être juste un dernier mot sur les enquêtes sur la sexualité. Donc tu sais que j'ai participé à la première, mais pas à la deuxième. Effectivement, la question de la classe sociale, on discutait avec Fassin récemment, c'est que on dit quand même, surtout dans le deuxième et dans le premier aussi, que les enquêtes font apparaître qu'il n'y a plus de différence de classe selon les comportements sexuels, enfin que les comportements sexuels ne sont plus déterminés par l'appartenance de classe. Et la classe, ce n'est pas uniquement la CSP, etc. Et ça, on en parlait avec Fassin, on disait, finalement, c'est un événement extrêmement important, enfin c'est un fait, si c'est prouvé, qui est extrêmement important, qui remet en question toute la sociologie française. Et ça n'est pas élaboré, effectivement, cette homogénéisation des comportements sexuels sur les classes sociales. Il y a d'autres différences qui apparaissent, mais voilà. Donc ça, je suis assez d'accord, hein, je veux dire, avec ta critique, et je pense qu'il faut la pousser un peu plus. Bon, on reviendra plus tard sur les histoires de sexualité et sida, parce que je pourrais monopoliser la parole. Gilles Verprat. Est-ce que je réagis plus aux questions que... Dans le débat entre Freud et Foucault, il y a un homme de langue qui s'appelle François Lyotard, qui était plus influent sur la sexualité dans les années 70, sur la question d'économie libidinale, par rapport au marxisme. Et ce n'était pas directement un Freud de marxisme, même si on pouvait le rattacher directement. Au sens que le sexe circule comme la marchandise. Et en plus, Lyotard faisait des références Nietzschéennes. Donc, pour que le sexe soit libérateur, et bien, les formes de sexualité, la polymorphie, doivent être plus larges que la marchandise. Donc il y avait une concurrence mentalement et pratiquement, et dans les actes, une volonté d'élargir. Et en même temps, Lyotard a fait, dans l'idée que le désir doit s'épandre au-delà de la marchandise, pour être sujet de soi, je veux dire, pas sujet de vérité, le langage doit agir de manière ouverte, c'est des actes de langage, c'est la pluralité des actes de langage, et ceci une vision stratégique et tactique. Et ça, c'est Foucault, à cette époque-là, en 72, 79, Foucault était sur la clinique, la raison classique, et au début de savoir pouvoir. Et il me semble que les écrits d'après relisent Lyotard en incitant sur l'aspect pouvoir tel que Christian l'a détaillé. Mais pour revenir à l'ouvrage que tu commentes, Savoir et vérité, c'est vrai que le sexe, quand on lit ce texte-là littéralement, le sexe c'est une relation de vérité, une épreuve de vérité, mais on ne sait pas si on a la vérité. Donc on a la vérité freudienne, la vérité de moi dans le désir, la vérité de l'autre, la vérité du ça. Mais il rajoute lui-même, la vérité sur le texte, c'est un discours, sur le sexe, c'est un discours social. Il faut décrypter ces discours qui disent de ça. Il ne voit pas code, il hésite entre code et pragmatique, et puis ça est sur moi, il vient un peu flottant. Et après, il fait sa relecture des auteurs grecs qui disent la sexualité avant la catholicité. Donc, il ne faut pas oublier Lyotard, et à mon avis, ils étaient collègues, je ne sais pas ce que Foucault doit à Lyotard ou vice-versa, il le réinterprète dans sa double face, quoi. Économie libidinale et pragmatique du langage. Et on l'a un peu oublié parce que c'est sous-jacent, même si Foucault a sa stature sur le biopolitique. En même temps, ça crée, pour moi, ça met certaines questions sur le biopolitique. Oui, le sexe. Si le sexe est un rapport sur l'autre dans la relation individuelle, tout système politique peut construire un système de pouvoir qui s'élargit, mais la biopolitique dépend de la stabilisation de système de dominant-dominé localement. Versus famille bourgeoise, versus homosexualité libérale. Mais sauf que les conclusions sont un peu amorphes, quoi, pas stabilisées. Quoi. Faut pas oublier la limite de l'auteur, c'est que le sexe doit s'étendre pour combattre l'expansion de la marchandise. Et c'est-à-dire qu'il y a un point de saturation, un point de retournement aujourd'hui. Oui. Oui, je veux bien revenir sur la question de la psychanalyse et du rapport avec cette question de l'histoire de la sexualité. Je voulais savoir comment l'ouvrage, comment les trois tomes ont été reçus finalement par les différentes écoles de la psychanalyse, par les freudiens, par les lacaniens. Est-ce qu'il y a eu une évolution de leur regard au cours des années? Et ensuite, par rapport au rôle du médecin et du médecin psychiatre dans cette hypothèse répressive de la sexualité, est-ce que vous aurez des éléments de réponse? Je serais très malhonnête de dire que je peux répondre à cette question. Comment ça, Foucault a été réceptionné par les différentes écoles psychanalytiques en France? Alain, toi, tu as peut-être des éléments. Je ne sais pas exactement, je ne me souviens pas très bien, mais j'ai fait un travail sur l'Antérilora, si vous connaissez, j'oublie son prénom. Lanteri Laura, qui était un historien de la psychiatrie, qui faisait partie de l'équipe de l'évolution psychiatrique, de la revue de l'évolution, qui était autre chose que ce qu'elle est maintenant, hein, l'évolution psychiatrique. C'était vraiment la grande revue psychiatrique et culturelle. Et Lanteri Laura a publié un livre qui s'appelle L'appropriation médicale des perversions sexuelles. Il l'a publié en 79. C'est-à-dire 3 ans après Foucault, et Foucault n'est jamais cité dans cet ouvrage. C'est-à-dire Foucault est inexistant dans le livre de l'Antérilora. Et donc il y a vraiment, alors il y a deux points de vue qui sont complètement différents sur la question de la médicalisation, sur cette question de la médicalisation qui est en jeu pour la médicalisation. À la limite, elle est constitutive même de la sexualité. C'est la médicalisation qui constitue le terme de sexualité qui apparaît en 1838, etc. Je veux dire, avant, ça s'appelait autrement la chair. Enfin, il reprend tous les termes pour désigner ce qu'est la sexualité. Et Lanteri Laura a une autre conception, c'est-à-dire que la sexualité, ça existe, et la médecine en fait des partages de bien et de mal, enfin le normal et le pathologique. Voilà. Moi, c'est le seul. Mais Foucault était extrêmement lu chez les psychanalystes dans les années 70. Hein. Alors, avec l'histoire de la folie d'abord, et ensuite comment Castel aussi a relayé Foucault d'une certaine façon sur les critiques de l'ordre psychiatrique et de surveiller et punir, en fait, toutes ces choses-là. Et bon, après, je sais plus, j'ai quitté le psychanalyste. Mais ça reste des rapports conflictuels, en fait. Les deux, c'est-à-dire, personne n'a fait. Enfin, moi, je n'ai jamais vu personne qui considérait que Foucault et Freud, finalement, il y avait des choses là, ça pouvait s'apporter quelque chose. Et alors, donc, voilà. Mais les gens étaient fascinés par l'écriture de Foucault. Enfin, quand il y a eu la leçon inaugurale, l'ordre du discours, le jour même, il était à Sancier, la librairie était dévalisée. Enfin, poser la question, c'est Georges, le prénom de Lanteri Laura. Georges, voilà. Moi, j'ai une question pour Catherine. J'étais intéressé par ce que tu as dit, enfin, ce que tu as relevé de l'ars erotica à travers la science sexualiste, et tu as donné comme exemple principalement l'outing. J'ai l'impression. Le coming out, puis. Voilà. Et je me demandais si tu avais cherché d'autres et trouvé d'autres. Et en te disant oui, mais non, là ça marche pas. Voilà. En gros, ta question, c'est qu'est-ce qui relève de l'aveu en général de... Non, mais si tu avais trouvé d'autres choses qui pouvaient, j'allais dire, illustrer ces 20 pages après que tu nous as pointé de façon qui me semblait pertinente, voilà. Bah là, enfin, moi aujourd'hui, mais enfin, oui. Il me semble que quand Foucault dit, ils prennent un peu la pause quand ils en parlent, quand on en parle. D'ailleurs, c'est vrai que lui-même a parfois un rapport un peu schizophrénique, mais je trouve, on ne sait pas toujours. Il fait lui-même ce qu'il non pas critique, mais ce à quoi. Enfin, bon. On oublie beaucoup le maladie mentale et psychologie. Il y a quand même. Foucault, il était psychologue. Enfin, il était psychologue hein. Il y a ça un essai sur. C'est ça. La biographie d'Éric Bon, elle rend bien compte de toute cette période avec sa propre psychanalyse, enfin, qui était à l'école en supérieur. Je ne sais pas si tu as repris récemment la biographie de Foucault. Et sa tentative de suicide. Oui, c'est ça, voilà. Et Éric Bon rend bien compte de tout ça. Je trouve que c'est vraiment plus intéressant que un péril. Ribon, Didier Ribon, il a écrit une biographie de Foucault hein, je veux dire, qui est extrêmement intéressante, qui est publiée chez Flammarion, Champs Libres. Là, et oui, mais alors moi aujourd'hui, mais au début du sida, et pendant encore au moins 10 ans après les débuts du sida, je trouve qu'il y avait de la part des personnes qui travaillaient sur la sexualité une manière aussi d'être dans une sorte d'ars erotica en produisant de la science asexualiste. Alors aujourd'hui, c'est davantage admis, donc du coup, ça a totalement supprimé toute forme de désir ou de plaisir à produire ça. Mais y avait... Que ça reste peut-être encore un petit peu, c'est... Ouais. Christian Laval. Je reviens sur la question de la répression. Je crois qu'il faut distinguer répression et hypothèse répressive. Je pense que ce n'est pas la même chose. Foucault ne nie pas la répression. De la même façon que quand il interroge la théorie marxiste de l'État, il ne met pas en question le fait que l'État... bourgeois, capitaliste et répressif. Je crois que son idée est assez différente. C'est que il dit aussi bien aux Freudiens ou aux Freudo-marxistes ou aux marxistes, il leur dit ne restez pas fascinés par les instruments de répression, les pratiques répressives que vous subissez, les coups de matraque que vous avez, que vous recevez dans vos manifestations, etc. Bon, tout ça existe, et lui-même, d'ailleurs Foucault, fait preuve à plusieurs reprises d'un courage physique dans les affrontements avec les forces de répression. Donc, bon, je crois que la question n'est pas là. Par contre, elle est dans le fait que ces discours ou ces pratiques de militants ne voient pas, ignorent les longues dynamiques, l'histoire longue dans laquelle ces discours et ces pratiques sont de toute façon pris. Et quand il dit que la bourgeoisie, finalement, a développé dès le 18e, 19e siècle quelque chose qui n'est pas identifiable comme une répression puritaine, mais qui est plutôt quelque chose qui est de la construction d'un discours valorisant sur le sexe, etc. Il voit les choses, si je puis dire, de très loin, sur une très longue durée. Ça vient de loin et ça va aller très loin. C'est-à-dire que c'est un grand mouvement souterrain, vraiment dans les profondeurs, qui n'empêche pas qu'à la surface, il y a encore des phénomènes répressifs, il y a encore des familles répressives, il y a encore des lois interdictrices, etc. Il y a encore des flics, il y a encore des juges, etc. Mais au fond, nous sommes pris. Il y a une autre temporalité, et c'est celle qu'il cherche à analyser par la généalogie, quelque chose qui revient de très très loin, et qui va aller loin, et qu'il faut prendre en compte pour ne pas, dans nos pratiques et dans nos discours, se tromper, je dirais, dans la signification de ce qu'on fait. parce qu'on peut très bien lutter contre des phénomènes, je dirais, de surface, c'est mal dit, dans les phénomènes de temporalité rapide et immédiate, et en même temps être parfaitement à l'aise dans un grand mouvement historique qui est celui du capitalisme en termes de développement des forces productives, et c'est ce qui pourra reprocher à Marx, ou d'être dans ce grand mouvement de civilisation qui est celui de la libération du désir. Voilà ce qui fait... C'est-à-dire, c'est pourquoi il est... Quand on dit qu'il est nietzschéen, il est nietzschéen en ce sens-là. C'est-à-dire que... Et quand il... c'est pas simplement par des provocations. Il sait très bien que Nietzsche peut par ailleurs avoir été utilisé, instrumentalisé, comme vous dites, par des forces les pires, etc. Mais ce qu'il voit chez Nietzsche, et ce qui, à mon avis, fait qu'il est pour lui plus important que Marx et que Freud, c'est que Nietzsche a pleinement assumé précisément ces forces souterraines qu'il faut aller chercher par sondage très loin pour ne pas se tromper, pour ne pas agir dans le sens de l'histoire, parce que c'est ça le problème de Foucault, c'est de ne pas aller dans le sens de l'histoire, mais comprendre que ce qui nous apparaît comme libération, ça peut être autre chose. Alors simplement, la question pour Foucault n'est pas que ce soit vrai ou faux, que ça soit qu'on soit libre ou qu'on ne soit pas libre, qu'on soit réprimé ou pas réprimé. La question, c'est les métamorphoses des formes de pouvoir. C'est qu'on n'en a jamais fini avec... si on a quelque chose à en tirer, c'est qu'on n'en a jamais fini avec le pouvoir. Et qu'il n'y aura pas de libération définitive ou de fin de répression, etc. Qu'il y aura finalement toujours des manières où le pouvoir nous prendra, quand bien même nous penserons être libres. Et alors le problème, enfin je termine là-dessus, la grande question, la formidable énigme qui l'interroge, celle justement du néolibéralisme, qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir qui semble dire aux gens, vous êtes aujourd'hui parfaitement libre, vous devez être libre le plus possible, etc. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'un gouvernement qui travaille ou qui fonctionne à la liberté ou à la libération, etc. Et ça, je crois que nous sommes plein dedans, parce que je veux dire, si on avait cru au néolibéralisme, on n'aurait jamais été aussi libre et on devrait avoir un sentiment de parfaite liberté. Or, comment se fait-il que nous nous sentons quand même tous, enfin beaucoup en tout cas, dans une cage d'acier dont nous ne pouvons pas sortir? C'est quand même ça, ce que Foucault nous a légué, c'est cette énigme-là. Mais ce temps long de Foucault, il me semble qu'il y a quelque chose qui réunit quand même malgré tout le premier tome et les deux suivants, c'est bien ça, mais en général toute l'œuvre de Foucault fonctionne là-dessus, il me semble, globalement, sur aller chercher... Voilà. Avec des glissements, juste pour terminer, la question sur laquelle vous avez pu vous arrêter, c'est le statut étrange de ce premier volume. Qui semble assez détaché des autres, qui a valeur programmatique et en même temps qui n'est pas, qui n'annonce pas ce qui va être fait, exactement. Et on voit que Foucault lui-même a opéré toute une série à la fois de glissements et de ruptures par rapport à ce qu'il annonce. C'est un de ses bouquins les plus étonnants, les plus faciles à lire, les plus facilement retournables un peu dans tous les sens, les plus provocateurs aussi. Et qui a d'ailleurs provoqué des malentendus très rapides. C'est-à-dire, Foucault s'est aperçu très vite, je le dis parce que j'ai rencontré Foucault juste à ce moment-là et fait un entretien avec lui. C'est à ce moment-là qu'il s'aperçoit que finalement, il est complètement débordé par les effets de ce livre, mais en même temps qu'il l'a cherché un peu. Et ça, c'est assez... c'est assez curieux. Alors sur la psychanalyse, juste un point pour vous. C'est que Foucault était quand même très lié à beaucoup de psychanalystes ou à des gens qui... Il avait comme grand ami Jacques Arnaud Miller qui dirige l'une des grandes écoles lacaniennes, qui est le gendre de Lacan, donc avec lequel il avait des entretiens réguliers. Et il y a un entretien extrêmement intéressant avec des jeunes psychanalystes lacaniens qui parut dans Ornicard, un an ou deux ans après l'apparition de ce texte-là. et qui est reproduit dans 10 écrits. On voit ça assez facilement et c'est assez intéressant de voir comment les psychanalystes reçoivent ou ne reçoivent pas finalement ça. Parce que pour les psychanalystes lacaniens, Lacan avait finalement été bien ailleurs que dans la problématique de l'aveu. J'ai une question pour Catherine, toujours dans les valeurs. Parce que Foucault s'occupe du désir, de l'archéologie du désir, de la généalogie du désir, mais en même temps il met en jeu le savoir. Et on a l'impression en lisant le premier tome sur la sexualité que le savoir aide le désir à advenir. Donc je te pose la question à la Frédéric, pour qu'il y ait le ça, il faut qu'il y ait le savoir. Et est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Comment l'écrivez-vous? C'est dit. Ah. Ça devait déjà être utilisé. Hein. C'est un réchauffé du. C'est sur moi. J'avoue que moi, c'est pas un hasard aussi. Dans ma présentation, j'ai fait un peu à peine et très, de manière très courte cet insert sur le parallèle avec Freud. Si j'en ai parlé tellement peu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas cet aspect et ces échos de la volonté de savoir avec lesquels je me sens la plus à l'aise. Donc. Non, mais cette idée du savoir émancipateur sur ses propres actes de sexualité, sur son imaginaire, par rapport à des répressions, des injonctions sociales, c'est quand même ce message de Foucault que moi je retiens. Là. Et ça va à l'encontre d'une attitude caricaturale. Le savoir, c'est l'inconscient quand on y va dans le brouillard. Non, mais est-ce que c'est plus spécifique, ça, pour le coup? Pour le coup, si l'idée, c'est l'espoir que faire savoir transforme, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu veux dire, mais du coup, Foucault, c'est la même chose que Bourdieu. Et je ne crois pas. Non, pas du tout. Ah. Surtout pas sur le pouvoir. Oui, et puis il n'est pas sur la science. Ben non, je crois pas. Il est totalement à l'opposé de Bourdieu, à la croyance que le savoir, que la science est émancipatrice. En tout cas, justement, sur la science sexualiste, c'est assez intéressant, je veux dire, de dire qu'au fond, pour en savoir quelque chose, c'est-à-dire aussi pour inciter à la pratique, à d'autres pratiques, à varier ses pratiques sexuelles, il faut passer par des manuels ou des traités de... des traités de sexualité. Enfin, je veux dire, pour lui, on est très loin. Il va chercher un peu en Asie, quand même. Enfin, il va peut-être chercher du côté du Japon, parce que Foucault est quand même fasciné par le Japon, par exemple. Et donc, je crois qu'il sait qu'il y a quand même d'autres façons, précisément, de se rapporter au sexe ou à la sexualité. Alors, je ne sais pas si quand il va dans les temples de Kyoto, c'est pour cultiver un autre art érotica, peut-être pas, mais en tout cas, je crois que ça faisait partie aussi de sa recherche personnelle. Personnelle, oui. Ouais. Enfin, dans le tome, dans l'usage des plaisirs, il me semble que sa propre recherche personnelle transpire tout le long du texte. Pas dans le souci de soi. Oui, justement, peut-être. J'aurais peut-être que vous reveniez sur cette idée d'empowerment. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je commence une thèse, en fait, qui s'occupe du discours politique sur la santé mentale. Aujourd'hui, on a les associations d'usagers en santé mentale qui travaillent justement sur ce concept d'empowerment et qui semblent le présenter comme une solution pour sortir de la stigmatisation en santé mentale. Et voilà, je voudrais votre regard et avoir peut-être des références sur ce qui s'est produit, sur les recherches qu'il y a pu avoir dans les milieux, par exemple, homosexuels. Et la question des relations entre patients et médecins. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Déjà, l'empowerment, c'est un terme qu'on voit vraiment émerger en français, je crois, avec le sida. Enfin, Alain, je ne sais pas ce que tu... Je ne sais pas si on le trouve avant. Et c'est, en fait, c'est un terme qu'on a déjà du mal à traduire. En français, maintenant, c'est souvent traduit par augmentation de la puissance d'agir ou des choses comme ça. Mais on le laisse en anglais, en fait. C'est quand même... Mais c'est apparu pas dans le domaine du sida, c'est apparu dans le domaine de la politique, des identités. Je veux dire, c'est les femmes, c'est les noirs, c'est aussi la queer théorie... C'est avant, hein. je crois que c'est avant les années 70, avec tout le mouvement Black is Beautiful, enfin, quand ça, on commence à revendiquer... Enfin, je ne sais pas, la généalogie exacte de Power Monde, tout ça. En tout cas, c'est un concept qui a été éprouvé... Et qui a été très vite excessivement utilisé dans les milieux de lutte contre le sida militant, et dans le milieu gay, et dans le milieu lesbien. Qui veut, enfin, ce que je disais, hein, qui a son. On voit bien pourquoi il a été un outil à un moment donné intéressant. Après, aussi en quoi il a un double sens et des effets pervers possibles, dans la mesure où ça devient non plus simplement une augmentation de la puissance d'agir, mais une obligation d'être toujours dans une performance. Mais est-ce que c'est un concept qu'aujourd'hui ces associations ont dépassé, ont rejeté ? Elles en sont où par rapport à ça ? C'est toujours utilisé par les représentants associatifs. Il me semble qu'il commence à y avoir une petite critique qui émerge autour de ce terme. Ou c'est la jeune-ci aussi. Hein. On n'aurait plus parlé de ça, de comment, et là, enfin, Philippe, sur un article qu'on... pas un article, un bouquin où tu interviens. C'est assez étonnant de voir combien dans les travaux sur la sexualité, mais pas seulement, là je pense à un bouquin collectif qu'on va faire paraître avec Christophe Broca, partant de l'œuvre de l'anthropologue Paola Tabet sur l'échange économico-sexuel et la critiquant un petit peu. C'est étonnant de voir comment tous les auteurs des articles, à une exception près, et aussi à l'exception de Paola Tabet, mettent au centre de leur raisonnement et de leurs observations le fait que chaque personne aurait un pouvoir d'agir, une agentivité. Et donc là, on est bien dans un changement par rapport à la période marxiste qui est majeure, je crois. Agentivité, ça veut dire... Ouais. C'est comme ça qu'ils ont... Ah bon, C'est pas la traduction d'agency. Mais c'est ce qu'on voit maintenant. Ah bon ? Ouais. Mais c'est intéressant à observer comment Et éventuellement, quelquefois, en se réclamant de Foucault contre Bourdieu, là-dessus. Oui, c'est pas toujours explicite dans les débats. Chez certains, en disant que... c'est moins de domination que subjectivation, et que dans subjectivation il y a sujet, et que le sujet. Enfin, voilà. Non, mais cela dit, comment faire pour s'en sortir, hein, c'est... Aucune question. Il est pratiquement midi, on avait dit qu'on se séparait à midi. On peut remercier encore et Catherine Deschamps et